Comment demander à quelqu'un à quelle heure serez-vous ici? À quelle heure en allemand se dit autour de combien d'heures? Donc, à quelle heure serez-vous ici? Um wie viel Uhr? Um wie viel Uhr? Oui. Werden Sie hier sein? Werden Sie hier sein? Um wie viel Uhr werden Sie hier sein? À quelle heure serez-vous ici? À quelle heure allez-vous être ici? Um wie viel Uhr werden Sie hier sein? Comment diriez-vous il viendra avec nous? Ici, venir au sens d'accompagner se dit mitkommen, littéralement avec venir. Mais ce mit, présent dans le verbe, ne vous dispense pas de rajouter mit uns, avec nous. Alors, comment diriez-vous il viendra avec nous? Il va venir avec nous. Er wird mit uns mitkommen. Bien. Er wird mit uns mitkommen. Et comment demanderiez-vous où voulez-vous m'attendre? En allemand, on n'attend pas quelqu'un, mais on attend sur quelqu'un. Alors comment diriez-vous où voulez-vous m'attendre? Wo wollen Sie auf mich warten? Bien. Wo wollen Sie auf mich warten? Et comment diriez-vous où voulez-vous aller? Wo wollen Sie gehen? En allemand, deux mots peuvent exprimer où. Soit wo, soit s'il y a un mouvement wohin. Donc, où voulez-vous aller, qui correspond à vers où voulez-vous aller, se dira Wohin wollen Sie gehen? Bien. Wohin wollen Sie gehen?